êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. Simon Fitzbé nous parle des services d'écoute en ligne dans 50 phénomènes. Et on a des laissez-passer pour vous à gagner. Alors, on a aussi des affaires à vous vendre à des prix d'amis. Dans 5 minutes, ça devrait répondre là. À Assemblage requis, maintenant! Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 19 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Oui, c'est la dernière journée de la semaine. Oui, exactement. Pour nous, en tout cas, c'est jeudi, c'est le nouveau vendredi pour bien les gens. Oui. En 2012. Beau soleil dehors. Oui. Donc, ça va être une belle journée. Un petit peu frisqué. Un petit peu frisqué, tout à fait. Mais quand même. Mm-hmm. Donc, à l'émission d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? Simon Fitzbé à 8h avec sa chronique Phénomène. Il nous parle des services d'écoute en ligne comme Groove Shark, CBC, Music, truc. OK. Moi, je connais juste Groove Shark. Donc, je pense c'est que je vais en avoir. Ouais. Ben oui. Spotify, il y en a plein. RDO, il y en a plein d'autres. Donc, on en parlera avec lui à 8h. Ensuite, à 8h30, on n'a pas François Landry cette semaine. Non, François Landry n'est pas là avec nous ce matin. Ah, il se passe tellement de choses dans sa vie, lui. Exactement. Bon. Par contre, pour compenser, on va vous donner des cadeaux. Oui, du moins, on va essayer. Ça va être, en fait, des laissez-passer pour le documentaire de Paul Arcand, Dérapage. Voilà, en fait, là, je sais pas vers quelle heure exactement. Quelle heure ça te tente, Mathieu? Ben, je sais pas trop, est-ce qu'on fait ça en fin d'émission? Écoute, ben, on a. On a pas mal? En début et en fin. 4. Début, ça veut dire là? Là, est-ce qu'on fait ça là? Là? Ok. On peut essayer. Ben oui, on va essayer. Spécial lefto. Ah! Donc, en fait, la représentation, ça va être le 24 avril à 18h30. Évidemment, c'est le film documentaire de Paul Arcand, Dérapage. D'ailleurs, Paul Arcand a été à Tout le monde en parle et puis ça a fait un espèce de tollé. Là. Donc, soyez un des premiers à aller voir ça. Donc, c'est un laissez-passer double et ça va se dérouler au Cinéma du Cap. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 819-376-5183. 819-376-5183. Yeah, tu travailles l'équipe. Mais on est bon là-dedans. Pendant qu'on écoute Fanny Bloom, voici tes bijoux. On passe tes bijoux en nom. Les yeux fardés.

La pièce Crazy Ride de Biobazar dans l'assemblage requis. Sur C'est fou, il est 7h42 minutes. Et on apprécie toujours ce Denis Janvier. Oui, exactement. Denis Janvier, d'ailleurs, qui anime le dîner de con. De 11h à 13h. OK, non, c'est pas encore. C'est fou. OK, ça, chacun des facteurs, j'étais comme pas sûr. Ah ouais, Denis Janvier, c'est ouais, dîner de con. Mélange tout ça ensemble. Waouh. Ouais. Faut le faire, hein, quand même. Faut le faire. Donc, oui, 7h42, comme on disait, assemblage requis. Les choses vont bien. Tantôt, on va voir Simon Fitzbé vers les 8h. Ça devrait bien aller. On a d'autres concours pour vous aussi. Oui, ben oui, certainement. Les laisser passer pour le documentaire de Paul Arcand, Dérapage. Ça va avoir lieu un peu plus tard dans l'émission. Mm-hmm. Et restez avec nous. En fait, on vous dit pas d'heure. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, de toute façon, restez avec nous. C'est un bon conseil à donner pas mal tout le temps. Exactement. Et bravo, d'ailleurs, à Michael qui a gagné un laisser passer plus oui. tôt aujourd'hui. Félicitations, Mike. Mikey. Qu'on appelle dans le domaine. On écoute Set the Well. Voici Loveless. histoire ou quelle hystérie. Quelle trajectoire, quelle tragédie. Hey, petit jeu à la maison, essayez de deviner quelle pièce on a aimé dans les deux. Juste, essayez de deviner. Bonne réponse! Bonne réponse, c'était Seth The Whale. Ouais, qui a débuté le bloc, Seth The Whale, avec le morceau, l'excellent morceau Loveless. Et ça, c'était Daran, avec un extrait de son album qui se nomme « L'homme dont les bras sont des branches ». Voilà. Et c'est Kennedy, et c'est une pièce qui a joué à la radio. Exact. Vous pourrez la réentendre cet après-midi dans les palmarès, c'est fou. Tout à fait. Palmarès d'ailleurs qui t'anime, Mathieu Plante. Oui, avec grand plaisir. Seul aujourd'hui. Seul? Ouais. Comme un grand. Ben ouais. Pas de chroniqueur, rien. Ben ouais, DJ Cazardi va être là. OK. Justine Renaud devrait être là aussi. OK. Donc quand même, je suis pas seul toute l'émission. Il arrive tard, les deux. Ouais. J'en vais à la dernière heure quand même. Bon. C'est correct qu'on aime ça comme ça. Je vais être tout seul avec vous. On va pouvoir passer presque toute la musique sans rien sauter. Tu sais, quand il y a trop de monde, trop longtemps, il faut sauter par-dessus 10 pièces. Là, c'est, ouais. Ça fait changement un petit peu. Donc, pour se nettoyer les oreilles, c'est méchant. Hein? Oui. Mais j'aime pas ça d'arrêt. Non, non, c'est correct. Ouais, mais on peut pas te t'aimer. Non, non. Hein? Puis écoute, on l'a essayé. Hein? On essaie des affaires. On vous fait jouer des choses qui pourraient potentiellement vous plaire. Mais il faut que ça nous plaise aussi. Donc, peut-être que c'était la dernière fois qu'on l'a fait jouer. Mais bon. Mais si vous avez aimé ça, vous pouvez écouter Palmarès. Exactement. Elle va jouer à toutes les semaines, sauf quand elle aura 4 ou 5 semaines et donc on décidera de la sauter à chaque semaine comme on fait avec plusieurs extraits en ce moment. Mais bon. Radio, qu'on écoute avec Gallop. C'est fou. Dans vos oreilles. 89 FM. Ça, c'est pas. Puis, on a tout pété. Ouais, actually four. Nice. Il y a une qui peut être à douette, the Danny song de Anne-Marie. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, ballon. That's right, c'est comme the bell of the ball. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, ballon. That's right, c'est comme the bell of the ball. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, ballon. That's right, c'est comme the bell of the ball. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, ride on. That's right, it's comme le bel et le ball. Et j'hab en cheval avec des stocks de métal. Mais des fruits blue navy, ça c'est gravy. Ça c'est mon cheval avec un Seabiscuit belle jambe. Ça c'est ça j'appelle un underdog. J'ai gagné au bal avec mon cheval. Et j'm'installe en dessous des gradins. Qu'on met la baguette à temps mes cotton balls. Ma overall, j'porte bien mes coveralls. Covert mission, indecision, ça c'est pas wrong. Ça c'est la right side of the wrong. Qu'on peut vendre les news. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, pardon. That's right, c'est comme the bell of the ball. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, pardon. That's right, c'est comme the bell of the ball. Avec tes cheveux dans le vent, t'aimais jouer hard to get. Avec un smile, tu dis que je suis wild. Tu veux me dropper for vet. But j'aime ça quand tu te moques de moi. Rond dans le foie, j't'ai dans mes bras. Horn qui hante, ça nous butter pas. C'est peut-être même qu'on aimait ça. C'est la bear, back, spice, rack. J'veux savoir ton almanac. De moi dans ta vie. Et j'crois ça que les fermiers ont dit. Parce que ça y en pousse ça. Pousse ça, pousse, pousse, pousse ça. Pousse ça, pousse ça. Pousse, pousse, quoi que ça soit. Il faut que tu rides sur ton cheval. Galope jusqu'à ton bal, pardon. That's right, c'est comme the bell of the ball. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal, pardon. That's right, c'est comme the bell of the ball. Sauveille et tasse, si ça se passe, on brasse, on coupe des os. Poker, hold'em, fold'em, can't have a loss. Je vais de la simplistic, hedonistic, wizard of Oz. Je vais de la gold brick road, à la fin y'a pas tôt. Mais y'a de la ride, c'est ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Jusqu'à la fin, pis t'arrives, y'a plus de balle. So galope, back up, saddle up, trouve un autre bal. Si y'a de la weekend, days and draw next week. We can't prove an old bad, so ride on. bâti pour veiller tard. Bâti pour veiller tard. Bâti pour veiller tard. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Pardon, that's right, comme the bell at the ball. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Pardon, that's right, comme the bell at the ball. Il faut que tu rides sur ton cheval, galope jusqu'à ton bal. Pardon, that's right, comme the bell at the ball. C'est jamais fini. Si ça venait d'arriver, ça aurait été comme d'arriver, mais c'est jamais d'arriver. C'est là. T'as pas besoin de dire longtemps. T'as rien que dire comme un petit 5 minutes. Tu sais, bien faire 5 minutes, c'est bon. Mais si tu mets le travail avant, tu mets comme tout le travail avant, et après ça, tu peux dire 30 secondes, c'est pas si dire. Exact. Ça, faut que tu mettes ta pre-prod, faut que tu mettes ta préparation en avant. Et puis ça, ça peut durer un an. Hein? Ça peut durer une vie. Une vie. Radio, radio, la pièce galope, assemblage requis. Je commence à l'aimer. Au début, j'étais pas sûr, mais... Ouais? Ouais. Je vais écouter l'album, par exemple. Je sais pas. As-tu écouté l'album au complet? Non, pas encore. Non? Mais je pense qu'avec le temps, tu sais, un nouvel album de francophone, c'est rare qu'on a. On va sûrement l'épuiser. Oh, ouais, tout à fait, tout à fait. Radio, radio, ça connaît un grand succès ici. C'est fou, putain. Succès monstre! Succès monstre! On adore ça. On prend une petite pause pour cette fin de première heure. On se retrouvera tantôt avec Simon Fitzbé, sa collègue Phénomène. Il parle des services d'écoute de musique continue en ligne comme Groove Shark, CBC, etc. Et on a aussi des billets pour la première de Dérapage de Paul Arcand à vous donner tantôt. OK. On va même s'écouter la bande-annonce ensemble, je pense. Oh, ouais. Ça serait une bonne idée. Pas pire, ça. Okay. Restez là, cet assemblage requis jusqu'à 9h. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est toujours Assemblage requis en ce jeudi 19 avril 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Blanc. Et vous êtes les requins. Hey, hey, hey. Hey, hein? Conviction. Conviction. Conviction. Et un peu d'enthousiasme. Oui, beaucoup d'enthousiasme. On s'en allait quasiment, je te dirais, déraper vers genre des folies. Un concours. Un concours, mettons. Par exemple, un concours pour le film Dérapage de Paul Arcand. Oui, exactement. Un documentaire, d'ailleurs, qui n'est pas sorti encore, qui n'est pas à l'affiche. C'est d'ailleurs des billets pour la première. Donc, en fait, c'est une paire de laissez-passer. Ça va se dérouler le mardi 24 avril à 18h30 au Cinéma du Cap. Donc, vous pouvez nous appeler, mais par contre, je pense qu'on va écouter un petit teaser là, pour vous mettre l'eau à la bouche. Ouais, je pense qu'on devrait faire ça. Je sais pas si toi, tu l'as vu, la bande-annonce, François, du film? Je l'ai vu, oui, je l'ai vu un peu. Ça peut être un petit peu perturbant, je pense, ou quelque chose du genre. Ouais, exactement. Mais, je vais l'écouter en même temps que vous, puis je pense que ça va être pas pire. J'ai mis le lien sur la page Facebook, si vous voulez suivre avec nous. On veut des commentaires après. OK, bon, plein d'actions, des gens qui boivent, billard, nightclub, ça sent le axe à mort. Oh, gros accident, OK, de voiture. Là, c'est triste. OK, ouais, c'est en effet est total accident. Les gens, c'est comme ça. Depuis le début de l'après-midi, des dizaines et des dizaines d'amis qui se présentent. Je me fais réveiller un matin par mon téléphone. Tout ce que j'apprends, c'est par quelqu'un qui pleure. JB, Gab, puis Alex, je trouve son nom. Je peux pas croire que c'était l'autre qui était mort. C'est carrément la gang qui s'est séparée, là. Et lorsque j'ai été le reconnaître à l'hôpital, je n'avais jamais pleuré de ma vie. Là, j'en ai pleuré une choc. C'est son père. C'est un choc, là. Tu vois ton gars sur une civière, c'est vraiment un choc. À qui tu te confies de ce temps-là, depuis qu'il est pas là? Je me confie plus vraiment. Non, je me confie plus vraiment. 3h15 de la nuit, le téléphone a sonné. C'était un policier qui était au bout de la ligne. Il disait comme quoi que Michael avait eu un accident. Il était inconscient depuis l'accident. Aujourd'hui, on est là, Michael. Il est dans un fauteuil roulant à regarder la télé vers journal. Si on t'avait donné le choix de mourir ou d'être en vie, qu'est-ce que tu aurais choisi? Ben, j'aurais décidé de rester en vie, mais je pense que je suis déjà mort. Là. Yeah. J'ai le mari de la gardienne au téléphone qui me dit « La petite est prise en dessous d'un char. » J'ai juste senti Bianca partir. C'est un coup de vent. C'est un coup de vent. Je me suis comme écrasé à la tête. Wow. Okay. C'est comme le pire appel que tu veux pas avoir dans ta vie. Tu penses pas à ça. Tu penses pas que ça va arriver. C'est pas le fun de se lever le matin et se dire « Asti, j'ai tué quelqu'un. » C'est pas le fun de penser. Ça prend une seconde pour que la vie change. Là, j'en jouais comme musique pour cette bande-annonce-là. C'est métrique. Ouais, c'est vrai. Non, ça a l'air en effet assez assez perturbant. Je suis pas sûr d'apprécier tant que ça les reconstitutions d'accidents. C'est quand on parlait de la petite fille qui s'était fait qui était en dessous d'un auto, là. On voit l'auto arriver puis foncer proche de la fille, genre passer très très proche. Je suis pas sûr que c'était complètement nécessaire. Je me souviens plus, mais je me suis sûrement dit, me connaissant, un accident, moi, ça aide juste aux autres. Wow, ok, ouais, c'est. Ouais, c'est touché. C'est là, fort, c'est... ça va loin. Ouais. Ouais. Dérapage de Paul Arcand, c'est les billets qu'on vous offre ici à Assemblage Rocky. Et on a une autre paire de billets à vous donner. En fait, on a quelques-unes encore à vous donner d'ici la fin de l'émission. Donc, la prochaine sera pour l'appel numéro 2 au 819-376-5183. 819-376-5183. Et c'est pour la première qui est prévue le mardi 24 avril à 18h30 au Cinéma du Cap. Donc, on attend votre appel. Pendant qu'on écoute Dutch S16, voici SOH. Assemblage Rocky. We'll be right back. SOH de Dutch 16, assemblage requis sur C'est fou. Maintenant, je pense que ce serait pas mal le moment d'accueillir un maître. Un maître? Un maître. Oh. Ou, en tout cas, sinon, je sais pas s'il est sur le système britannique, là, un pied. Non? C'est pas bébé. Ça, c'est plus insultant, je pense. Ouais, OK, voici Philomène. Ah, Colin, Philomène, que je le rate, celle-là. Non seulement ma blague était complètement ratée, mais en plus, mon intro est ratée aussi. Dans Fort Boyard, les trois, on se fait les trois avec le pouce et l'index et le majeur. C'est vrai, hein, ils faisaient ça comme ça. Ils font ça. J'ai écouté ça justement la semaine dernière. Fort Boyard, hey, moi aussi. Ouais. Quel drôle d'allon à prise 2. Ça joue à prise 2, ouais. Ouais, crime que l'image est pas belle sur prise 2, c'est incroyable. Je sais pas où ils ont pris leur cassette, mais ouais. Ouais, mais disons que ça fait partie des problèmes de TVA et le stockage des archives. Exactement, exactement. On dirait un Real Player en 1996. Écoute, parle-en à Eric Salvaille, hein, il prépare ses émissions avec les archives de TVA, il va pouvoir t'en parler pendant des heures en te faisant des faces... Des simagrées. Et voilà. Donc, Simon, aujourd'hui, tu nous parles de service d'écoute de musique en ligne continue. Exactement. Laisse-moi replacer mon texte, là. OK, je te laisse. Exactement. Donc, voilà. Messieurs, je ne lis pas le Journal de Montréal. Par contre, le blog La Clique du Plateau, que je consulte fréquemment. Bon, afin, oui, oui, je le consulte afin de rire et d'entretenir plutôt mon cynisme envers notre belle société. Tout croche, bien rapportait les propos de Sophie Durocher, femme de Richard Martineau et aussi chroniqueuse polémiste au sein de cette feuille de chou qu'est le Journal de Montréal. Je savais pas que c'est sa femme. Oui, c'est sa femme. Cette semaine, Sophie s'attaquait au service de diffusion de musique en ligne, communément appelé streaming, bien sûr, de cbcmusic.ca, qui offre gratuitement, c'est surligné. Pas d'argent, pas de bidou. Pas de bidou, rien, gratuitement de la musique en ligne, contenu canadien, bien sûr, et québécois, couvrant un ensemble de styles et de genres musicaux. C'est ça, faut dire qu'il y a du québécois là-dedans, il y a des groupes francophones. Oui, oui, il y a beaucoup de francophones, surprenamment. Durocher appelle à la concurrence déloyale envers les autres services d'écoute de musique en ligne, en comparant, oui, cette pratique à un épicier qui donnerait ses sacs de carottes gratuitement, alors que son concurrent, de l'autre côté de la rue, les vendrait 5$ du sac. Wow! Du grand journalisme d'opinion, genre tripping. C'est ta préférée. Ah, je l'adore. Eh bien, ce que la belle Sophie semble oublier, c'est que la musique n'est pas gratuite et encore loin de le devenir. Et comme nous le rappelle, oui, les conservateurs depuis les dernières élections, CBC et Radio-Canada est financé par les contribuables canadiens et donc par nos taxes. Ce que madame oublie également de dire, eh bien, c'est qu'elle est employée de Québécois, la même compagnie qui est aussi propriétaire du groupe Archambault et qui a lancé cette semaine, en fait la semaine dernière, le service d'écoute de musique en ligne, Zik.ca, qui pour 9,99$ par mois vous offre la possibilité d'écouter près de 15 millions de titres nationaux et internationaux en direct, c'est-à-dire en streaming, comme le fait CBC. Si concurrence déloyale il y a, je crois que le conflit d'intérêts peut également avoir sa place dans cette affaire. Par contre, si on peut sortir quelque chose de positif de cette chronique, eh bien, c'est la montée impressionnante de ce service fort intéressant et relativement nouveau sous cette forme, bien sûr, puis il y en a eu avant, des services, bien sûr, de diffusion de musique en ligne. On parle pas ici des MP3 que l'on peut qu'on peut acheter et télécharger, mais principalement de la diffusion en direct des pièces en mode streaming. Et là, on parle de choisir sa propre pièce et l'écouter en streaming. On parle pas nécessairement juste de radio qui jouerait de la musique en continu. Exactement. Ben, je vais revenir justement là-dessus, parce que c'est, ouais, il y a une distinction à avoir, effectivement, oui. J'ai donc décidé de m'inspirer de cette affaire, l'affaire du Rocher, afin de vous présenter, dans mon avant-dernière chronique, certains des services d'écoute en ligne les plus connus et les plus intéressants que le net peut nous offrir. Et on débute d'ailleurs avec CBC Music et Espace.mu, puisque c'est le même concept fait par la même compagnie. Est-ce que c'est le même contenu? Service français. Non, c'est pas le même contenu. Okay. On va justement y arriver là-dessus tantôt. Vous allez voir, c'est assez différent. Donc, CBC Music, c'est un service des plus intéressants, en fait, d'un côté. Son service est gratuit, mais payé avec nos taxes, bien sûr, et est accessible à tous sans même avoir besoin de s'inscrire. On peut aussi y écouter les stations anglophones de la CBC, CBC 2, CBC 3. Ouais. qui sont donc les stations alternatives à la CBC One. L'équivalent de Bande-à-Part et De Espace Musique, ouais, justement. Ouais. Donc, l'inscription prend quelques secondes et nous permet de mettre sur pied une liste d'écoutes des plus diversifiées, sauvegardées dans notre espace personnel. Vous pouvez également aimer un groupe, comme on le fait sur Facebook, et recevoir des nouvelles en lien avec ceux-ci. Un des gros défauts, par contre, c'est le temps que ça prend avant de télécharger une pièce, ou plutôt de loader. Le buffering, exactement, parce que ils attendent que la pièce soit complètement loadée pour pouvoir la jouer. Ah oui, ils sont pas capables de jouer après avoir juste un extrait, comme mettons sur YouTube. Non, exactement. Mais entre autres, c'est que ça empêche de faire comme sur YouTube, où on se rend jusqu'à ce qui a été buffé, et là, ça recommence parce qu'il y a eu un problème au niveau de... téléchargement. Donc ça, je trouve que c'est quand même bien, mais ça prend quand même du temps et ça laisse des blancs subséquents donc qu'on peut avoir entre chaque chanson lorsqu'on essaie d'écouter plusieurs pièces d'un même artiste. Dans un même ordre d'idées, on peut aussi reprocher au site de ne pas classer les pièces sous forme d'albums, mais dans l'ordre des plus populaires. Ouais, ça, je peux les comprendre. Ça peut parfois gâcher notre écoute, là. Parce que sur d'autres sites, tu vas en parler sûrement dans Grooveshark, c'est que tu peux te construire un album et puis là, écouter l'album au complet, ça vient vraiment là faire que tu n'achèteras plus jamais d'album si tu veux faire ça. Oui, effectivement. Alors mais que disons, là, pièce par pièce, c'est plus compliqué. Mais disons, lorsque j'essaie de découvrir Canaille, justement, comme je l'ai fait par CBC Music, c'est un peu plus difficile parce que je sais même pas c'est quel album que j'ai devant moi parce qu'ils en ont fait plus, ils ont eu des EP qui ont été lancés avant et là, c'est tout mélangé ensemble. Faut faire de la référence croisée sur d'autres sites où ils te donnent le listing de l'album et puis là, tu peux y aller pièce par pièce. C'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est ce que j'ai fait. C'est la meilleure idée. Ouais. Donc, il y a également Espace Musique dans la même catégorie qui, pour sa part, elle, offre de la musique sous forme de liste d'écoute préprogrammée, sous forme de radio, comme on veut, si on veut. Ouais, voilà. Qu'on peut écouter donc sur le site selon le genre qu'on va entendre. Bien qu'on puisse skipper, en gros guillemets, les pièces, le reste qu'on peut, on peut pas vraiment choisir parmi une liste d'artistes que l'on voudrait entendre comme on peut le faire sur CBC Music. Ça, c'est vraiment pas la même chose. Non, exactement. C'est selon moi une grande erreur qui a laissé de pas laisser le choix, en fait, des artistes qu'on va entendre spécifiquement, donc, à chacun des visiteurs. C'est pourquoi je vous conseille plus fortement CBC Music. Il est peut-être un peu lent, il est peut-être en anglais aussi, mais c'est une version bêta et il ne peut aller qu'en s'améliorant avec le temps. Ben moi, ça, ce que j'aimerais voir, c'est une collaboration entre les deux et peut-être même une fusion avec un petit mot. Ouais, peut-être. Espace.mu, trouve-moi un mot qui est plus, plus vague et plus anglophone, francophone. C'est ce que je me dis. Donc, peut-être qu'il pourrait avoir quelque chose à faire là. Et j'imagine qu'avec le temps, parce qu'Espace.mu a été le premier service lancé. Ça fait plus longtemps. CBC Music a été lancé très, très récemment. Éventuellement, peut-être qu'il va y avoir une fusion, ou au moins, peut-être qu'on va avoir un RC Music, quelque chose comme ça, qui va avoir juste... Ou vraiment... juste une sélection de mode, là, un bouton, genre un gros bouton dans le coin de la page, j'imagine déjà ça, genre entre radio qui me fait découvrir des choses et radio que je choisis ce que je veux entendre. Exact. Ouais, exactement. Ouais, ça serait bien aussi. Ça, évidemment, c'est gratuit, comparativement à Zik. Oui, c'est gratuit, ben, c'est payé avec nos taxes. Donc, c'est pas cher à payer, ça. Non. C'est pas cher à payer. Il y a plein de monde au Canada, puis tu sais, avec les coupures qu'il y a eu, on en paye beaucoup moins. Là, exactement. On pourrait s'embarquer sur le sujet des coupures à Radio-Canada, mais ça prendrait une deuxième heure. On pourrait se fâcher. Prochain sujet. En fait, c'est la pièce de Canaille, le prochain sujet. Ah, pour vrai? Oui. Je te suivais pas du tout, hein, ça paraît-tu. Canaille. La pièce Train. Oui. Jamais à ma table, et dans mon lit des vestes. Suis demain, on est pour moi. Ce qu'on croit ou croit pas être la pièce train de Canaille. C'est ça qui est plate, hein? Sur les disques, habituellement, t'écris la liste des pièces. Avec des numéros, tu sais. Mais ironique de dire que la musique électronique, c'est tellement plus simple que la musique sur disque. Peut-être qu'il y a un avantage à la musique électronique. Ben, de ce côté-là, oui, effectivement. Ouais. Ça, je suis 100% d'accord parce que, effectivement, là, tu vois, je suis sur iTunes, j'ai la liste des pièces de Canaille. Et c'est que train dure 4 minutes et demie. OK. Puis ben là, c'était 2 minutes 30. Et tu peux pas les mettre en ordre de track, de piste? Ben, c'est ça, c'est ça? En ordre de piste. C'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça tout. Eh ben, je comprends rien. Peut-être la version électronique est différente. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être plus long, il y a peut-être plus de Yoda. Oh, Yoda! Pénible. Ça fait penser au jeu, là, dans The Price is Right. Là, oui, le petit gars qui monte une montagne. Oui, mais ma tante était là hier. As-tu gagné? Non, elle est descendue sur le floor en bas. Vrai? Mais elle pas... pour miser, là? Ouais, elle a été outbidée. Outbidée? Une pièce? Elle a été surpassée d'un dollar. Ah, ouais. C'est choqué. Puis la personne a gagné? Je ne sais pas ça. J'ai pas écouté. En fait, c'est ma soeur qui m'a rapporté ça. C'est pas que j'aime pas The Price is Right, mais c'est que je suis pas chez nous. Non, c'est ça. Ouais, genre. Dans le genre. Ouais. Mais Bob Barker était meilleur. Pas mal. Ah, Bob. Et t'aimes pas Drew Carey? Oui, ben j'adore, oui. Drew Carey fait une très très bonne job. C'est juste qu'il a comme perdu sa carrière d'acteur depuis ce temps-là. Exact, parce c'est dommage. Il a plus le temps de faire autre chose. Mmh. Mais oui. J'aimais mieux en tant qu'acteur qu'en tant que. Ah, éventuellement, il va peut-être y retourner. Mais c'est sûr que c'est une job assez stédée. Merci à l'animé de Price is Right. C'est sûr, bien payé, sûrement. J'imagine. Avec les grands stars qu'ils ont là. Ah oui, tu peux faire une trentaine d'années facile. C'est une mission qui se paye tout seul. T'en fais deux, l'année est payée au complet. Le restant, c'est juste du gravy, comme on appelle. La petite sauce. Oui, la petite sauce. Donc, Simon, on retourne à ta chronique. On retourne à ma chronique, effectivement. Donc, bien sûr, je vous parle de service de diffusion de musique en ligne, bien entendu, sous le nom de... mieux connu, voilà, sous le nom de streaming. Et on en est rendu à Grooveshark. Oui, je pense préféré. Que vous connaissez un peu Grooveshark, justement, déjà. C'est un service d'écoute de musique en ligne et des mis en ligne, justement, en 2008, qui offre gratuitement la musique à ses visiteurs. L'inscription est gratuite à la base et vous pouvez entendre de la musique que vous souhaitez grâce à un excellent moteur de recherche qui rend le tout très accessible. Les membres peuvent également rajouter de la musique sur le site, donc la musique qu'ils veulent et les versions également qu'ils veulent. Ah ouais, OK, quand tu payes, tu peux rajouter de la musique? Oui, tu peux rajouter de la musique. OK, je me demandais justement comment est-ce qu'on... Tu peux envoyer des MP3 sur le site qui va être hébergé. Ah, ça va compléter la discographie par contre d'un artiste. Et justement, Grooveshark fait son argent et la distribue aux maisons de disques ainsi qu'aux artistes, principalement grâce à la publicité, se retrouve sur sa page d'accueil ainsi que dans les coins des pages. Par contre, vous pouvez également payer 6$ par mois ou 60$ par année pour éviter les publicités qui peuvent parfois ralentir les performances du site. Oui. Et aussi pour également avoir accès à des fameux fondus interpistes très utiles, oui. Très, très utiles lorsque vous faites de la musique lors d'un événement. Ou l'émission de radio. Si vous faites un 5 à 7 de gala ou de c'est pratique. Vin fromage, c'est expérience. On donne des exemples là, comme ça. Des exemples comme ça. True story. Mais ce que j'haïs en ce moment de Grooveshark... dans le domaine des publicités, là, c'est que depuis, je sais pas si c'est depuis cette semaine, parce que j'avais jamais vu ça avant, vidéo en quasiment plein écran, en plein milieu de la page, avec du son. Ah ouais. Ça m'agresse tellement. Ça, le son, c'est nouveau, tu me l'apprends, mais j'avais vu les vidéos, par contre, et oui, ça ralentit le site. C'est pour ça que 6$ par mois, c'est quand même pas si pire. Là, ben, si tu t'en sers, oui, c'est ça. Si tu t'en sers souvent, assez, pratiquement tous les jours, mettons, c'est pas la peine. Une radio se payait un compte, mettons, juste... une fois pour tout le monde, mettons. Mettons, c'est un exemple comme ça, ça pourrait... Servir comme une banque de pièces, tu sais. Ouais, c'est... Hein? 60 pièces, pas cher. Non? Bon. Donc, ce site Internet est... En fait, le seul petit hic qu'ils disent avec Grooveshark, eh bien, c'est que les artistes et les maisons de disques n'ont pas le contrôle de ce qui peut être ajouté. Les albums sont parfois incomplets ou faits à partir de différentes copies et encodages. En plus, certaines maisons de disques questionnent la légalité de Grooveshark, qui est présentement devant la justice afin de justifier cette dite légalité. Mais le site est toujours en ligne. Il n'y a pas vraiment question de le fermer là, du jour au lendemain. Bref, ce site Internet est probablement le plus simple du lot, avec une interface épurée lorsqu'on paye, bien sûr, et simple d'utilisation. C'est la façon la plus rapide afin d'écouter de la musique sur le web. C'est d'ailleurs une bonne façon de découvrir de nouveaux artistes. De plus, pour $9.99 par mois, vous pouvez avoir accès à Groove Shark sur vos appareils mobiles. Ça, c'est en plus de ce que tu paierais pour le forfait normal par année? Oui, exactement. Okay. Ben, en fait, je crois que si tu payes de base le 10$ par année, je pense que ça donne accès au site plus l'application mobile. OK, le 10$ par mois. S'enseigner. Oui, 10$ par mois. Donc, c'est ce qui est quand même intéressant si on a iPhone, iPad sur le 3G ou pas sur le 3G, bref. Tu sais, je sais pas si, si j'irais par année, étant donné que je me demande si dans un an ça va être encore là. Ouais, exactement. Ouais, c'est le même truc avec les abonnements sur Mega Upload, Mega Vidéo. Ouais. C'est ça. Une fois que tu peux payer 100$ pour l'avoir à vie, mais tu savais pas quand est-ce que le site allait être. Ça a pas fait longue vie, mettons. T'sais. Ouais, exactement. Et c'est aussi si le service est dépassé éventuellement. Là, comme tu vois, ben CBC Music qui offre de la musique gratuitement, ben, payé avec nos taxes, mais gratuitement, je dirais jamais assez. Mais c'est juste du contenu canadien par contre. Mais ça peut être une très bonne alternative à Groove Shark. Tout à fait. Ce qui nous amène maintenant à parler de Bandcamp. En fait, s'il existait un équilibre parfait entre l'accessibilité et l'aide aux artistes, ce serait Bandcamp. Bandcamp est un magasin de musique en ligne qui est principalement utilisé par les artistes indépendants et petites maisons de disques. C'est le nouveau MySpace, finalement. Ouais, effectivement. Ouais, on peut dire ça comme ça. Il s'agit pas d'un site d'écoute à proprement dit, par contre. Mais la plupart des artistes offrent d'écouter leurs pièces gratuitement à partir du site. On pourrait considérer donc comme un concurrent à la catégorie des sites de diffusion. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce que t'as pas, t'arrives sur la page d'un groupe en tant que tel. Exactement. Et ça, je vais y venir. Excuse-moi. Ça m'excite. Ton sujet, ouais, vrai. T'es trop rapide. Hein? Mais donc, oui, c'est ça, on peut écouter parfois tout l'album ou malheureusement, comme dans le cas de Canaille, une seule pièce par contre. Ça, c'est ce qui est un peu dommage. Mais si tu regardes les Gun Mauve, au début, il y avait 3 pièces et là, ils ont mis l'album au complet. En ordre aussi. Ça, c'est vraiment génial. Le choix de l'artiste. Oui, c'est ça. C'est selon ce que l'artiste veut et il décide également du prix qu'il met sur son album, ce qui est vraiment génial. Ça peut être gratuit dans certains cas. Ça peut être gratuit. J'ai téléchargé plusieurs albums gratuits. D'ailleurs, je pense que t'as une section aussi que tu peux aller chercher des albums gratuitement là, sur Bandcamp. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien. Les artistes, oui, peuvent offrir donc des téléchargements gratuits ou bien au prix qu'ils veulent. Et le site reçoit 15% des revenus. Cette portion baisse à 10% lorsqu'un artiste vend pour plus de 5 000$. Okay. Pour vous donner une idée, Bandcamp a un chiffre d'affaires d'environ 700 000$ par mois, ce qui est pour un magasin de disques mondial, ce qui est correct. Là, je veux dire, ça peut payer 700 000$ par mois. Ouais, mais ça peut payer l'entretien de serveur, ça peut payer les employés aussi qui sont là. Je pense mais pas c'est sûr, mais... que ça fait autant d'argent qu'iTunes un jour. Ouais, là, ouais c'est sûr. Donc, Bandcamp est une alternative libre à iTunes, justement. Et par contre, les navigations sur le site restent à désirer. On peut y avoir accès bien souvent sur les sites Internet des artistes ou bien grâce à CBC Music qui offre un lien si on est intéressé à acheter la musique des artistes. Mais si on va sur le site, à proprement dit, là, t'as pas de liste d'artistes comme faut. C'est placé selon les genres, mais t'as bien souvent seulement les pochettes d'albums, des photos d'artistes sans... Pour reconnaître. Ouais, c'est un petit problème. Moi, ce qui me fait que ce serait difficile à utiliser comme alternative pour écouter de la musique vraiment, c'est le fait que si tu dois aller appuyer sur le bouton de la pièce à chaque fois. Non, je sais pas. Non, non. Tu peux laisser tourner l'album au complet. Ah, ça, je savais pas. Tu vois. Je crois que c'est nouveau, ça, parce que j'ai écouté l'album de Cœur de Pirate quand il est sorti. Okay. Il était sur Bandcamp et je l'ai écouté au complet. Et c'était la première fois que j'allais pas repasser sur play à chaque pièce. Ah, donc, d'après moi, c'est une nouvelle, tant mieux. Un nouveau feature. It's a new feature. Ouais. Some brand new shit. Oh, excuse-moi. En anglais, personne ne comprend. On continue avec une pièce, je pense. Une pièce, oui, effectivement. Ouais. Ton sujet m'intéresse tellement que je suis pas pantoute. The panorama of the West. Background for a thrilling story. Pioneers forging a nation out of a wild, trackless land. As westward, they carve their way. Oh, wait. She's the best, she's the best, she's the best. Manifest, best, best destiny. Here we go! Which direction are we going? Backwards. How are we going back? Back in the way, cowboy. I'm going to be a cowboy. But anyone else do it? You're not just getting started. The line's been drawn. But if one of your men cross my land or even touch one of my cows, I'm not going to the sheriff, the governor, or the president of the United States. I'm coming to see you. Il s'agit ici de Fake Natives, donc un groupe, et ça c'est vraiment une histoire pour appuyer notre sujet du jour, puisque c'est un groupe que j'ai découvert sur Groove Shark. Mais c'est bon, en tout cas. Ouais, oui, ouais. Moi, j'aime bien ça. Je trouve ça vraiment, vraiment tout un très, très bon album, en fait. De la très bonne musique, et vous pouvez l'acheter d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en, ben, pour cette pièce-là. Okay, la pièce. Le reste va venir. Vous pouvez acheter ça sur Bandcamp, justement. Super. Ce que j'aime sur Groove Shark, c'est la découverte d'artistes. Des fois, il y a un onglet Explore. Oui, exactement. Ben, c'est là-dessus que j'ai découvert Fake Natives. Et cool. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai bien hâte là, parce que j'ai lu hier soir très très tard. Une critique d'un nouvel album d'une fille qui s'appelle Molly Nelson sur pitchfork.com. En fait, j'ai cherché différents endroits et justement, il est sur Groove Shark, donc je vais aller écouter l'album en finissant l'émission tantôt. C'est ça, il y a des choses qui sont vraiment avant même de sortir, sont déjà sur Groove Shark. Ouais. Des fois, les artistes vont aller mettre leur truc. Justement, Fake Native, t'avais la pochette. Donc, habituellement, quand il y a la photo de la pochette, c'est déjà ça. En bonne qualité, genre. Ouais, mais quand t'as genre le nouvel album de Paul McCartney, il est écrit The Walrus, je pense que c'est pas la. C'est pas appuyé par la maison de disques. Mm-hmm. Ouais. Il faut y aller avec parcimonie quand même. Voilà. Et ce qui nous amène, bien sûr, à continuer notre visite dans les différentes sortes, les différentes offres de services de musique en ligne, comme on dit en bon français, streaming. Ça nous amène à Spotify, en fait, un site géré par Sean Parker, cofondateur de Napster et ex-PDG de Facebook, bien sûr. Il est reconnu pour avoir été joué par Justin Timberlake dans le film sur Facebook. Justin! Il est beau. C'est incroyable. De voir son imitation de Bon Iver, c'est tellement drôle. Mais sérieusement, Justin, là, il est vraiment bon puis il est vraiment drôle, pour vrai. Ouais, pas en musique, mais comme acteur, quasiment humoriste. Hein, ouais, il est pas pire. Il a beaucoup de... Il est capable de rire de lui-même. Oui, exactement. C'est très bon. Tu prends pas au sérieux, ça. Exactement. Donc, il s'agit d'un site très populaire un peu partout dans le monde qui fonctionne un peu sous le même principe que Groove Shark, mais qui a signé avec donc plusieurs ententes avec différentes compagnies de disques pour offrir une plateforme pouvant entre autres se synchroniser à Facebook. Il y a également une application que l'on télécharge à la fois pour son téléphone, pour son ordinateur, pour son iPad, etc. et sur Facebook aussi. Mais malheureusement, je peux pas vous en parler trop longtemps puisque Spotify n'est pas disponible au Canada pour le moment. Ah non, c'est rabat-joie pas mal. C'est un des plus populaires, un des meilleurs. Ouais, selon ce que Sean Parker dit aussi, c'est supposé être vraiment une révolution musicale. Mais un jour. Tu sais, Netflix a pris du temps à arriver. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est que Spotify, en plus, ça part de l'Europe. Ça s'est répandu un peu tranquillement en Europe en 2009, je crois, 2010. Ça fait la transition justement aux États-Unis en ayant signé un contrat avec Facebook. Et on peut aller sur la page Facebook de Spotify, télécharger l'application, mais quand on clique dessus, ça nous dit « Ah, t'es au Canada, man! » Tu me prends pour qui? Ouais. T'essaies de m'en passer une petite vite. Malheureusement, mais bref, ça va venir incessamment et ça risque de faire mal à certains services en ligne. Espérons que CBC Music ne va pas fermer. Je pense pas que ça va fermer. C'est payé avec nos taxes. C'est vrai. Je dirais pas assez. Non, mais moi, je suis. Mais en quoi c'est ça, différent? Tu veux dire CBC Music et Spotify? Ouais. En fait, Spotify, c'est que ça offre un contenu international. C'est surtout ça la grosse différence entre tous ces sites-là et CBC Music. Mais comme Groove Shark. Groove Shark, c'est un contenu international également, sauf que là, du côté de Groove Shark, comme je disais, c'est que légalement parlant, on sait pas qu'est-ce qui arrive de ce côté-là, on sait pas c'est vraiment. C'est gris un peu. Ouais, c'est ça. Tandis que Spotify, donc Sean Parker va de l'avant pour expliquer comment ça fonctionne, rencontre les maisons de disques. Les ententes sont signées. C'est ça, il est signé aussi avec Facebook, donc la légalité est un peu plus forte. On peut diffuser ce qu'on écoute sur Groove Shark sur Facebook. Moi, je considère ça autant légal et. Tu le faisais d'ailleurs. Ouais, ben oui. Oui, j'adore ça. Je vais continuer à le faire parce que je trouve que c'est un site vraiment intéressant. J'ai pas l'impression de voler quelque chose. Non, juste mais, écouter la pièce comme si j'écoutais la radio. C'est ça exactement. Tu la possèdes pas. Tu peux pas. En tout cas. Oui. Mm-hmm. C'est comme quand t'enregistrais la radio avec des cassettes dans mon hôtel. Là, tu peux plus enregistrer la radio. Exactement. Chaque fin de pièce. QCFM. Oui, QCFM. Ce qui nous amène maintenant à Zik.ca, bien sûr. Zik, c'est le nouveau site web mis en place par Archambault, bien sûr. Et à 9,99$ pour un abonnement de base, il s'agit d'un service, en fait, le service le plus dispendieux de sa catégorie. Est-ce qu'on est surpris avec TVA? Non, pas vraiment. Je suis pas très, très surpris. Québécois, excuse-moi. On échange de... Archambault, ça, Québécois. Ça, exactement. Si tu payes pas, t'as vraiment pas accès à aucun service. T'as pas accès du tout, du tout. Ce qui est vraiment stupide, selon moi, il pourrait avoir une période d'essai gratuite. Mais le nom Zik était utilisé pour autre chose avant. Zik, il vend des autres. Oui, c'est ça. C'est un magasin de MP3. Qui appartenait aussi à Québécois. C'est la même chose. Ils ont juste changé le principe du site. C'est pas... Mais sûrement, tu peux acheter des chansons encore, j'imagine. Oui, parce que le lien va aller directement vers le site d'Archambault si on veut acheter la pièce qu'on est en train d'écouter. Ah, OK, je comprends. Donc, en échange, justement, de l'abonnement de 9,99$ par mois, vous avez accès à 15 millions de chansons à votre portée, et ce, en tout temps, bien sûr, toujours dans le même genre que Grooveshark, Spotify ou CBC Music. Le bon côté de ça, c'est qu'on a accès à plusieurs artistes québécois, comme les albums des académiciens ou bien des reprises de Marie-Chantal Toupin. Ah, attends, c'est quoi l'adresse? Zik.ca, je m'envoie là tout de suite. En revanche, bien sûr, on a accès à plusieurs albums québécois, comme les albums des académiciens ou bien des reprises de Marie-Chantal Toupin. Attends un peu, là. J'y veux tout. Encore. Le prix, peut être un peu trop élevé. Par contre, la visibilité qu'offre Québécois à son site en faisant de son lancement, une nouvelle pour être traitée comme quelque chose d'aussi important que la grève étudiante à LCN. Ah ouais. Par exemple, le risque d'attirer des gens qui n'avaient pas encore utilisé cette forme de service comme celle-ci. Donc, les personnes plus âgées, je dirais, sans vouloir faire de discrimination, j'ai comme l'impression que, comparativement à Grooveshark, l'âge moyen du client de Zik.ca risque d'être beaucoup plus haut. Mais ça va être utile. Mais le président, justement, de Archambault était présent à LCN pour l'annoncer. C'est des nouvelles. C'est des nouvelles. Tu viens de parler d'un produit que tu viens de lancer. C'est n'importe quoi, là. Mais écoute, je peux me tromper, mais je pense que les gens sont en train d'allumer sur, en fait, Québécois, un peu comment ça fonctionne. Et je pense que les gens, mais écoute, c'est pas qu'ils étaient pas tels ou quoi que ce soit, là, mais en tout cas, moi, autour de moi, je le sens, ça. On commence à se rendre compte, ça devient un petit peu plus évident, le jupon dépasse de plus en plus. Non, mais c'est vrai. C'est incroyable. Et c'est ce qui nous emmène à notre dernier service. En fait, qu'il n'y en ait pas un. Là, vraiment, t'es bien dadon, mais tu ne l'es pas vraiment. Je me suis avancé là-dessus parce que ça reste quand même une alternative qui reste intéressante, mais qui demande peut-être un peu plus d'implication. Il s'agit d'iTunes Match et autres services de cloud, en fait. iTunes Match est un service lancé par Apple en même temps qu'iCloud l'an dernier. Ils offrent à ses abonnés qui paient moins de $30 par année de stocker l'ensemble de leurs achats d'iTunes dans les nuages, en plus d'héberger leur MP3 personnel à concurrence de 25 000 fichiers musicaux, encodé à 256 kilobits par seconde. Même si les tiens ne sont pas à 256, est-ce qu'il y a un genre de... Il est converti ailleurs? Je pense qu'il est converti en format ACC ou MP4. Le format qu'ils utilisent maintenant. Ouais. Donc, le service rend la musique disponible sur l'ensemble de vos plateformes Apple. Donc, si vous avez un iMac, un MacBook, un iPad, un iPod, un iPhone, etc. iTunes également sur un PC. J'imagine, je sais pas si on peut aller sur iCloud.com et avoir accès à notre musique aussi. Ça serait vraiment intéressant. Ça veut dire que sur n'importe quel ordinateur dans le monde, tu pourras avoir accès à ta musique directement sans avoir à télécharger iTunes, sans avoir un programme. Ça, c'est quelque chose de plaisant. Pour $30 par mois, c'est quand même intéressant. Par année ou par mois? Par année. C'est peut-être pas dans la catégorie des services de diffusion en ligne, mais ça reste un service intéressant sous la forme, comme on appelle, d'un locker de musique. Ouais, c'est-à-dire qu'on met nos trucs là-dessus. L'accessibilité est très intéressante, surtout si vous êtes un Machead comme Mathieu Plante ou moi-même, bien sûr. Par contre, cela vous prendra une bonne connexion Internet ainsi que beaucoup de patience lorsqu'il sera le temps d'envoyer tous vos MP3 sur les serveurs d'Apple. Laissez ça aller pendant la nuit là, parce que ça va prendre du temps. L'upload, ouais, mais en même temps, si vous envoyez 20 gigs sur des serveurs d'Apple, ben, attendez-vous à ce que ça vous coûte 20 000 c'est ça. Gigs en aval, en amont, en aval. Ouais, bonne question. En upload, là, exactement. Téléversement qu'on dit au Québec. Téléversement. Et d'ailleurs, justement, ben, si vous avez une limite de téléchargement, de téléversement de 60 gigs, ben, ça va couper là-dedans. Donc, allez-y tranquillement, si vous voulez, mon avis. Là. Il y a un avantage que j'ai entendu, j'ai lu sur les blogs, parce qu'évidemment, on a, en tout cas, moi, j'ai pas payé pour ça, puis je penserais pas le faire non plus. Là, payer pour, je vais aller sur GrooveShark avant de m'abonner à iCloud. Ouais, ouais. Mais c'est que si tes albums que tu as rippés toi-même ou téléchargés sur des sites illégaux de torrent, iTunes ne sait pas ça, va quand même te donner les AAC en 256 kbps. Ouais, ça c'est ce que j'avais lu. En fait, tu vois, c'est ce que je trouve un peu de... Ben, en fait, non pas dommage, parce qu'ils vont réencoder le tout et avoir vraiment quelque chose de stable, oui, oui. Mais c'est qu'ils pourraient identifier les noms de tes pièces et essayer justement de te trouver les équivalents sans que tu ailles les téléverser sur le site, parce que là, ça fait beaucoup d'échanges de données. Ouais. Un des petits hic que j'aurais par rapport à ça, par contre, c'est que si Apple décide de changer sa manière de fonctionner, eh bien, ils pourraient décider de bloquer l'accès à tous tes MP3 illégaux si jamais ils ont moyen de retracer où est-ce que t'es allé les chercher. Ils voient, t'es un pirate, finalement, tu peux plus du tout avoir ta galerie de MP3. Exactement. Mais faut-tu garder un backup à toi? Ouais, un backup ça, physique, choix, ça, on n'a pas le choix. Et Google et Amazon, donc, offrent également un service au prix semblable, entre autres, dans le cas d'Amazon, c'est 20 gigaoctets. Pour 20$ par mois. Pour Canada, encore une fois. Pour Canada, ça, je sais. J'ai essayé de télécharger une chanson MP3 avant-hier, puis ça me disait que ça marchait pas. C'est encore disponible. Ah, eh bien, c'est vraiment dommage comment ça fonctionne, oui. Amazon. Donc, vous pouvez en faire l'essai, bien sûr, mais prenez le temps de le magasiner. Donc, comme Amazon ne peut pas le faire. Peut-être Google le peut. Par contre, Google, je l'ai pas essayé, parce qu'ils l'ont pas essayé poussé. C'est encore en bêta, je crois, Google Cloud, donc c'est très malheureux. iTunes reste le plus rapide et le plus convivial selon plusieurs testeurs. Et pour moins de 30$ par année, lorsqu'on a une machine qui a pas beaucoup d'espace, comme disons mon ordinateur qui a 64 GB, en fait, en réalité 30 GB d'espace lorsque tout est vidé parce que tout est installé dessus. Faut que t'aies mis tes logiciels et tout, là. Donc c'est un peu c'est une bonne façon d'avoir accès à sa musique. Encore là, ça demande un accès à Internet, mais dans le cadre d'iTunes Match, bien on a accès directement à partir d'iTunes, donc on est pas obligé d'aller sur Internet. Mais si on a accès sur iCloud aussi, bien ça veut dire que tu vas chez tes amis, tu vas faire un party, t'as accès à toute ta musique directement en ligne. Mais ça, c'est hypothétique, parce que je sais pas si on peut y aller avec iCloud. En somme, il existe différentes formes de services offerts à des prix différents. Côté découverte et accessibilité, je pencherais plus du côté de CBC, puisque je suis certain que les artistes seront récompensés au nombre d'écoutes qui est fait sur le site. Vu qu'on n'a pas accès à Spotify, sinon sûrement ton premier choix aurait été Spotify. Peut-être bien, oui. Par contre, pour la variété des chansons, et comme on n'a pas accès à Spotify, justement, j'irai plus sur GrooveShark. Et finalement, quand il sera le temps d'acheter, eh bien, j'irai sur Bandcamp et j'enverrai mes MP3 sur iTunes Match. Excellent, parce que Bandcamp, l'artiste peut choisir son propre prix, alors que sur iTunes, c'est souvent 99 cents ou 1,29$. 69 sous de base, 99 cents standard, 1,29 quand tu penses vraiment que tu as fait quelque chose de génial. Je pense que je suis jamais tombé sur une pièce à 69 cents jusqu'à maintenant sur iTunes. Si je vois souvent, Moi, j'en ai pogné. Dans le temps de l'Halloween, il y avait une série de pièces spéciales Halloween là, qui était à 69 sous. Et soit dans leur version, comme leur bargain bin qu'on appelle, soit les albums à 7,99$ comme Lisa Leblanc ou... Ben quoi que non, eux autres sont quand même à 99 sous. C'est des catégories de 9 cents pour Lisa Leblanc. Mais jusqu'à à concurrence, en fait, d'avoir acheté, si c'est 7,99, donc c'est-à-dire 7 pièces à 99 sous, tant que t'arrives dans le fond à zéro, là après ça, t'as le droit à l'album complet de toute façon. Mais 69 sous, ça existe. Surtout les albums à 6,99 qui sont dans la bargain bin. Donc voilà, ça reste intéressant. Moi, iTunes Match, j'y pense de plus en plus. Je sais pas vraiment qu'est-ce que je vais faire avec ça parce que j'ai un iPod, mais j'ai pas d'iPod Touch disponible par Internet. Donc, tu peux pas aller télécharger l'application. C'est ça. J'ai pas non plus de iPad, j'ai pas de iPhone. Je pense pas en avoir d'ici un bout, à moins que le concours sur que j'ai participé sur lapresse.ca me rapporte un iPad. Peut-être. Mais sinon. C'est le fun, Mais non, j'avoue que ça ne servirait pas à grand-chose, le match. Pour le moment, non. Donc, ça reste ça. Donc, Internet, selon moi, est le meilleur outil encore pour aller écouter la musique. Peut-être qu'un jour, iTunes se réveillera et offrira un forfait à X dollars où tu peux télécharger des MP3 illimités ou au moins avoir un maximum de MP3 à télécharger, j'avoue que... Mais en même temps, la personne qui a ramené ce genre de concept-là, c'est Steve Jobs, mais malheureusement, Steve Jobs n'est plus. Voilà. Et depuis ce temps-là, ils sont obligés d'engager des artistes pour vendre des iPhones. Je sais pas si vous avez vu les nouvelles pubs avec Zooey Deschanel, Samuel L. Jackson, qui font des pubs avec Siri. Bon choix, en tout cas, pour les deux. Oui, mais en même temps, Apple n'a jamais eu besoin d'un acteur. Ouais. Ils ont eu Bono, par exemple. Oui, pour vendre des iPods. Ça va. Pour l'iPod, c'est un peu différent, mais dans toute l'histoire d'Apple, dans les publicités, il n'y a jamais eu d'acteur connu, de vedette, qui a participé à essayer de mousser la vente d'un produit. Donc, je sais pas si ça commence à aller mal chez Apple. Ou ils disent que ça peut juste aller mieux si on fait ça. Ouais. Peut-être encore plus loin. Je sais pas. Peut-être. On verra. C'est sûr qu'ils sont à l'argent. Ouais. On ne peut pas se le cacher. Alors, on écoute pour compléter ta chronique du Mauve. Oui, parfait. Hey, j'ai parlé à Mauve l'autre fois. Mauve, là, c'est quoi son nom de famille? Mauve couleur? Mauve Chénier, je pense. Les frères Chénier sont à la tête de ça. Mais je me suis dit, pour aller dans le domaine, dans le monde de la musique, on va écouter Chérie, écoute-moi. C'est ma pièce préférée en plus. Dans la lueur de l'oasis blanc, j'ai senti tes flancs qui s'embrasaient, j'ai cru voir le soir s'enflammer dans tes blonds cheveux. Je me sentis bleu de laisser choir la fin de l'histoire. Debout sous les Hey, c'est mes nouveaux amis Mauve. Mes nouveaux amis. Mais il était gentil. Je leur ai parlé. J'ai serré la main du chanteur. Je capotais. Ouais. Non, c'était vraiment très bon, très sympathique, très cool comme bande de jeunes garçons. J'avais le même chandail que le chanteur. Ben oui! Je me doutais que, parce qu'on a les mêmes affinités musicales, ce groupe-là et moi, donc j'ai dit, c'est bien ça, Conversation Starter, ça s'en vient. Et d'ailleurs, brisé à glace. Ouais, ça marche. Brisé à glace, ouais. Bravo. Mais très, très les gars bon... étaient gentils. Oui, oui, très, très gentil, toute la gang. Franchement, là, puis très bon show, très professionnel également comme musicien. Et il aimerait beaucoup revenir ici à la rentrée ou en tout cas en septembre dans ces eaux-là. Ouais. Donc, je me suis donné comme mission d'essayer de les booker, de devenir comme leur genre de simili-agent officiel à Trois-Rivières, en tout cas. Comme tu vas prendre 75%. 75% du cachet, qui doit pas être très, très élevé encore, j'imagine, mais éventuellement, quand ils vont faire le Centre Bell, ben, ça va me faire un gros 10$. Donc, Simon, plugging time? Plugging time. On y va. Plugging time. It's a new beginning. Lundi soir. Oui. C'est fini, Catalepsie. C'est fini, Catalepsie. On va revenir dans une semaine. Bien exactement, avec un genre de bleu. Oui, tout à fait, ton émission de jazz et blues. Oui, ouais, effectivement. Donc, nouvelle saison, nouveaux artistes, nouveau tout. En fait, c'est très intéressant parce que j'ai reçu plein de très, très bonnes musiques, du contenu québécois, du contenu canadien surtout. Mais également, je me suis aussi procuré de nouveaux albums du côté plus international. Donc, on va continuer. Je vais continuer à entretenir mon fétiche de Miles Davis. Et de l'autre côté, je vais vous faire découvrir des nouveautés que j'ai reçues toute l'année, à l'année longue. Autant dans le blues, dans le jazz, la musique du monde, etc. C'est un genre de bleu les lundis soirs à 20h. Mm-hmm. Les rediffusions sont annoncées sur le cif.ca plus tard. Tu vas animer tout l'été et encore vendredi demain matin, album classique album à 10h. Oui. C'est bon, ça, cette mission-là? C'est correct. C'est très bon. C'est quoi? Ça passe. Non, album classique, les vendredis à 10h, où on joue un vinyle au complet. Oui, un album complet. Et pour le moment, en fait, ça reste très, très ouvert pour ce qui est de demain. Je vais vous garder la surprise. Parfait. Et ça rejoue. Encore une fois, là, on est entre deux sessions. Là. Mettons qu'on finit cette session aussi. Donc, je n'annoncerai pas trop les cases horaires de tout. Là. Et t'as ta chronique Les Éphémérides du Rock les vendredis matin à 11h dans Rock Classique avec Alain Lefebvre. Ouais, juste en dessous de l'album classique, c'est Rock Classique. Okay. Ben non, mais je veux dire, pas en dessous dans le niveau de la qualité, au contraire, non. Parce que Rock Classique est vraiment au-dessus. Mais dans la case horaire, physiquement, ben, je suis au-dessus parce que je suis plutôt. Tu t'en es sorti, si sinon. Ça serait un bloc appartement, notre programmation, moi, j'aurais l'appartement du dessus, mais t'aurais Alain reste quand même. Choisir un duplex, comme ça, sont à l'horizontale, il y a moins de problèmes. Ah oui, c'est sauf que là, il y en a un qui est à gauche, puis il y en a un qui est à droite, puis là, les frais de scolarité, ça ne marchera pas. Hein? Ouais, mais chez Rock Classique, ça serait beaucoup plus grand, hein, ben, à cause de la candeur, de la grandeur de l'émission, un de l'animateur, mais également du temps que ça. Le 6 heures. Oui, 6 heures, c'est beaucoup. Ce serait un gros manoir. Ce serait comme la motocyclette de Batman, alors que toi, t'es comme le petit truc à côté, là, je suis rapide. Dedans, parce que les comparaisons sont assez. Non, c'est correct, ouais, je me considère comme le Robin de. Mais c'est pas le Robin. C'est pas comme c'était drôle, par contre. Oui. Mais c'est pas le cas. Vous êtes égal et etc. Si vous voulez être égal, si vous. Laissez donc faire. Ah, ils vont se battre, eux autres, en termes de qualité de qui est le plus. Non. Non, mais ça fait un beau mélange. Vous faites de très belles échanges. Ah, c'est bien dit. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est. Tout à fait. J'apprends beaucoup. Est-ce qu'il reste d'autres plugs à faire? Je pense. Ah oui, il va y avoir des reprises de Catalepsie tout l'été. Sinon, ah ouais. Je sais pas si tu savais ça. Non, j'en avais aucune idée. Donc, il va y avoir ça. Ouais. Chouette. Super. Ouais. C'est, je pense que le plugging time a duré aussi longtemps que le reste de ta chronique. Attends, je pense qu'on bat le 45 minutes. La chronique a été extrêmement longue. Hein. Mais c'est intéressant. Ben oui. Tu sais, donc pourquoi pas. Et je vous prépare quelque chose la semaine prochaine, vu que ça va être la dernière chronique, comme, un peu comme l'an dernier et l'année d'avant. Ah, oh, pour vrai? Un petit cadeau, une chronique sur... Ah, j'aime ça. On s'en va entendre Marie-Pierre Arthur avant de terminer l'émission. On s'en va entendre l'extrait « Chacun pour toi ». Et ça commence là. Ah, c'est fou! Dans vos oreilles! One, two. Rococo de la pièce Empire, assemblage requis. Vous savez, à tous les jours, on vous donne une idée de ce qu'on va faire. Et il y a toujours au moins une chose qui est pas vraie qu'on fait pas. Aujourd'hui, si ça existe, ça devrait pas. Là, on le fera pas. On va faire la semaine prochaine. Ouais, c'est de ma faute, je m'excuse. Non, non, c'est pas ta faute. Trop long. C'est ma faute d'avoir parlé autant dans ta chronique. c'est ça, on fera ça la semaine prochaine. On va se quitter là-dessus. On va se retrouver lundi à 7h avec Kiwan en cavale. Oui, exactement. Et ça va être notre dernière semaine. Donc, on va essayer de préparer un petit quelque chose de spécial pour chacun de nos chroniqueurs. En fait, je m'en charge. Okay. Tu connais mes talents de poète. Oui. Bon, mais je me mets là-dessus en fait ça. Tu vas faire le roast master, là. Les bien cuits. Ouais, mais ça pourrait être pas pire, ça. Ah, mais je veux pas de grandes attentes. OK, mettons la barre très, très basse. Ouais, tout à fait. Tel qu'on le fait avec François-Olivier à tous les jours. Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Mathieu, c'est juste pour niaiser. Ça prend juste un niaiseux pour niaiser. C'est ça. Bon, à 8h, on aura notre ami Xavier Antoine. On va goûter du thé. Ça va être du latte glacé lundi. OK, du latte glacé. Hey, il nous amène ça chaque semaine. Il est fantastique. Il est tellement chanceux. Il est comme magique, ce gars-là. Ouais, Xavier, c'est un être. Il prend soin de nous autres. Qu'on adore. À 8h30, on aura des sports avec Nicolas Ducharme. Oui, exactement. Bon, ça, c'est le plan de lundi. Restez à l'écoute pour le dîner de cons qui commence à 11h avec Denis Janvier. Ensuite, à 13h, sera 6 degrés avec Kim Bergeron. À 14h, je serai de retour seul pour animer les palmarès, c'est fou. Jusqu'à 17h. Il y aura DJ Cattardi là-dedans et Justine Renaud, mais à l'animation, je serai. Et juste avant ça, il y a CNX aussi. Oui, CNX, c'est vrai, j'oubliais, c'est à 10h. Bon. T'as oublié? On dirait que je saute par-dessus les émissions de 10h parce que c'est celles qui sont pas là en ce moment parce que leur session est finie depuis 2-3 semaines, eux autres. Mais CNX est là. Et CNX est là parce que c'est ça. Je suis pas. J'allais dire, je suis pas étudiant, ça change absolument rien. je voulais pas le dire, mais vous m'avez forcé. À 18h, ce sera La Spirale avec Mathieu Leblanc-Houl. À 19h, on entre dans l'électronique avec 13e étage. À 21h, Le Cortex. Et à 23h, Onde de Choc avec nos très bons amis. Onde de Choc, on les adore. Et on va avoir plus de collaborations avec les gars d'Onde de Choc. En tout cas, un des deux gars d'Onde de Choc. Je ne vais pas inclure l'autre parce qu'ils s'en vont en France. Ils nous délaissent. Ben, les deux, ils partent. Les deux partent, il y en a un qui revient. Ouais. Exactement. C'est ça. Bref. On va avoir des nouvelles de ça la semaine prochaine à Saint-Valéry. Ouais. C'est ça. Génial. On en parlera. pour l'instant, on se quitte avec une pièce d'Audionaute. Oui, et la pièce, c'est Polygraphe. On vous ment pas là-dessus. Oh! C'est le jeu de mots douteux du jour. Oui, je m'en doutais. Ment. Oh! Ment. Ouais. Eh, bye, bye. Ah, j'avais un autre jeu de mots tantôt, Simon, je vais te le faire. Ta chronique était extrêmement bonne. Stream. Il parlait de stream. Extrêmement. Non, elle est parfaite. C'est 40, hein? Ouais. J'en reviens pas, là. On n'en revient pas, nous autres. C'est ça. Hey, bonne fête de semaine. Tout de suite. Bye. Tu récites encore, tu récites encore ton monologue. Tu t'imposes encore, tu t'imposes encore en démagogue. Au polygraphe, tu l'emportes et m'emportes sans. Du plus fort, la force de nier. to me.